t'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Et le même mot devait très bientôt nous unir devant Dieu et les hommes. Sur ma vie, je t'ai fait le serment que ce lien tiendrait jusqu'à la fin des temps. Ainsi nous vivions, ivres de passion, et mon cœur voulait t'offrir mon nom. Près des orgues qui chantaient, face à Dieu qui priait, heureux, je t'attendais. Jamais pour aucun autre cœur, et tout est perdu car il ne bat plus, mais il pleure mon amour déçu. Sur ma vie, je t'ai juré un jour de t'aimer. Malgré tout le mal que tu m'as fait.